reine, combien de temps serai-je ton roi? Des questions qui parfois me surprennent. La nuit quand je dors auprès de toi, il arrive alors que je promène mes mains sur ta peau d'ambre et de soie, et que tu acquiesces d'un clignement d'aine la caresse impudique de mes doigts. Ton parfum, ton sel, ton miel, tu m'emmènes jusqu'au plus profond de toi. Et c'est ainsi là que tout se déchaîne. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Tu es de plus en plus belle, ma princesse Amidala. Je suis d'une force herculéenne, ton guerrier des Samoa, une amazone polynésienne, un gigolo des Bahamas, tous les geysers des Andes chiliennes, un volcan du Kamchatka. Pour toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi? Toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi? J'ai joui et tu n'es plus vraiment belle, je n'ai pas vraiment tant d'abdos que ça. Lentement je me relève, le sexe encore luisant de toi, et tu t'assures que je veille à ne pas salir les draps. La lumière grise cruelle de ce petit jour morne, humide et froid, nous présente les problèmes de nos corps informes et gras. Tu as gardé tes chaussettes toute la durée de nos ébats. Faut dire que t'as pas vraiment été de la fête, je suis venu bien trop vite pour toi. Sous la douche, je lanterne, pas envie d'affronter encore une fois ce qui s'annonce être une journée de merde, comme j'en ai déjà connu des tas. Pour toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi? Toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi? Les questions qui peu à peu m'entraînent chaque jour plus loin de toi. Pour toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi? Des questions qui parfois me surprennent la nuit quand je dors auprès de toi. Je t'aime encore, tu sais, de nos trésors temps passé, tu sais, je t'aime encore. Je t'aime encore, tu sais, de nos trésors du temps passé, tu sais. Oh, je t'aime encore quand je promène mes mains sur ta peau d'ambre et de soie, et que tu acquiesces d'un clignement d'aine la caresse impudique de mes doigts. Ton parfum, ton sel, ton miel, tu m'emmènes jusqu'au plus profond de toi. Et c'est ainsi là que tout se déchaîne. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Tu es de plus en plus belle, ma princesse Amidala. Je suis d'une force herculéenne, ton guerrier des Samoa, une amazone polynésienne, un gigolo des Bahamas, tous les geysers des Andes chiliennes, un volcan du Kamchatka. Pour toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi? Pour toujours resteras-tu ma reine, combien de temps serai-je ton roi?